وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. Selon Zayd ibn Arqam, radiallahu anhu, qui dit « Nous discutions, nous parlions durant la prière. L'homme priait, l'homme parlait à celui, à son compagnon qui était à côté de lui durant la prière. Jusqu'à ce que descende la parole d'Allah « Wa kumu lillahi qanitin » Et levez-vous pour Allah, tenez-vous debout pour Allah en toute humilité et quiétude. » Alors, il nous a été ordonné de garder le silence, de nous taire, il nous a été interdit de parler, donc durant la prière. وهذا الحديث فيه وجوب السكوت والنهي عن الكلام في الصلاة. Donc c'est clair dans ce hadith, il y a le caractère obligatoire de garder le silence et l'interdiction de parler durant la prière. لكن السؤال هل تبطل الصلاة إذا تكلم المرء فيها؟ Mais la question c'est est-ce que la prière donc s'annule si l'individu il parle durant la prière? Si l'individu il parle durant la prière, est-ce que sa prière s'annule? Certains peuvent se dire comment ça on va parler durant la prière? Parce que c'est connu maintenant, les gens ils viennent à la mosquée, on parle pas pendant la prière. Mais ça peut arriver qu'il y a quelqu'un qui sache pas. J'ai déjà vu un homme en direct. Son téléphone, il sonne en pleine prière. Il répond au téléphone. Salam alaikum. Je te rappelle après, anafis salat. Et hop, il raccroche. Devant mes yeux. Et donc, ça peut arriver. Quelqu'un qui parle pendant la prière, est-ce que sa prière, donc, elle est annulée? Elle est caduque ou pas? فَذَهَبَ أَحْمَدْ وَأَبُو حَنِيفَ إِلَى بُطْلَانِ هَذِهِ الصَّلَاتِ وَلَوْ كَانَ الْمَرْءُ تَكَلَّمَ جَاهِلًا والدليل هو حديث الباب. L'imam Ahmed et l'imam Abu Hanifa, ils voient tous les deux que cette personne qui parle pendant la prière, même si elle est ignorante, sa prière elle est caduque. Elle est annulée. Et leur preuve, c'est le hadith qu'on vient de voir, Zayd ibn Arqam, qui nous dit donc, il nous a été interdit de prier durant la prière, de parler durant la prière. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن من كان جاهلا فلا تبطل صلاته. L'imam Malik et l'imam Shafi'i, ils disent, celui qui est ignorant, alors sa prière n'est pas annulée. Celui qui ne sait pas, il arrive, il parle pendant la prière parce qu'il ne sait pas que c'est interdit. Ou alors celui qui le fait sans avoir voulu parler pendant la prière. Quelqu'un qui, donc durant sa prière, qui parle alors qu'il ne connaît pas le jugement. L'imam Malik et l'imam Shafi'i, ils disent non, sa prière n'est pas annulée. Par contre, si tu fais ça intentionnellement, tu connais le jugement, la prière elle est annulée, chez tous. Maintenant, la divergence, c'est est-ce que la personne qui fait ça avec ignorance, est-ce que sa prière elle est annulée? La preuve de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i, rahimahumullah, c'est le hadith de Muawiyah dans Sahih Muslim. Dans Sahih Muslim. معاوية كدي بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليم منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَكِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. Et donc le hadith de Muawiyah dans Sahih Muslim, Muawiyah, radiallahu anhu, qui dit, Alors que je priais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme a éternué. Un homme a éternué durant la prière. Alors je lui ai dit, qu'Allah te fasse miséricorde, yarhamukallah. Alors les gens ont commencé à me regarder, à me jeter des regards. Je leur ai donc dit, qu'avez-vous à me regarder? Donc en pleine prière, il leur dit, qu'avez-vous à me regarder? Alors ils ont commencé à frapper des mains sur leurs cuisses. Ils ont commencé à frapper des mains sur leurs cuisses. Et lorsque j'ai compris qu'ils voulaient me faire garder le silence, je me suis tu. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière, par Allah, je n'ai vu avant lui ni après lui aucun qui soit meilleur dans l'enseignement que lui, aucun meilleur enseignant que lui. Par Allah, il ne m'a pas pris de haut, il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas insulté, mais il m'a juste dit, certes, durant cette prière, il n'est pas convenable qu'il y ait quoi que ce soit parmi les paroles des gens. Il n'est pas convenable qu'il y ait quoi que ce soit parmi les paroles des gens. Cependant, ce qu'il y a durant cette prière, c'est et tasbih, le fait de dire subhanallah, et takbir, Allahu Akbar, et la lecture, la récitation du Coran. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. Et donc le prophète, il ne lui a pas ordonné de recommencer la prière. إذا من تكلم في الصلاة جاهلا فلا تبطل صلاته. Et donc celui qui parle durant la prière par ignorance du jugement, alors sa prière n'est pas annulée. وهذا القول هو الراجح في المسألة إن شاء الله تعالى. Et cet avis, c'est l'avis le plus juste dans ce sujet. Inch'Allah ta'ala. Et aussi on voit, j'attire votre attention les frères, sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose donc de détestable dans la mosquée, pendant la prière ou autre. Regarde ce qu'il nous dit. Il ne m'a pas pris de haut, il ne m'a pas insulté, il ne m'a pas frappé. Il m'a juste dit, durant cette prière, il n'est pas convenable qu'il y ait quoi que ce soit parmi les paroles des hommes. Et donc il est important que nous, on prenne conscience qu'on doit, lorsqu'on conseille quelqu'un, adopter le bon comportement. Tu vois ton frère qui fait quelque chose par ignorance, il ne sait pas. Conseille-le, explique-lui. Explique-lui, dis-lui, yahi, c'est pas convenable que tu fasses comme ça pendant la prière, etc. Mais le fait de prendre les gens de haut, ça peut être dangereux. Tu peux faire fuir la personne. Je me rappelle lorsque je venais de me convertir. À un moment, j'étais là, donc j'essayais de lire le Coran et tout. Jumu'a, j'arrive en avance, j'essaie de lire le Coran. Et j'étais par terre, j'attendais l'imam. J'ai pris le mushaf et je l'ai posé par terre. Je ne savais pas, je viens de me convertir, je ne savais pas. Donc je pose le Coran par terre comme je posais les autres livres par terre. Subhanallah. Ça a fait un de ces désordres dans la mosquée. Les sons, les voix qui ont monté. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors qu'il était si simple de venir de derrière. Il regarde la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est pas convenable. C'est un manque de respect envers Allah. La parole d'Allah est meilleure que toutes les autres paroles. Mets sa parole au-dessus, etc., etc. Et c'est terminé. Et donc, il est important qu'on fasse attention. Il se peut que tu dises ça à une personne et tu la fais fuir. La personne dit, oh là là, c'est quoi ça? Oh là là là là là. Ma'as salama, salam alaikum. Et donc, il est important qu'on fasse attention à notre comportement. À ce qu'on se calme. Que tu conseilles la personne de la bonne façon. Ensuite, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, il nous dit, wa'an Abdillah ibn Umar. رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. Et donc selon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque la chaleur augmente fortement, alors abridu, al-ibrad, c'est le fait donc de retarder l'accomplissement de la prière du dhuhr. Jusqu'à ce qu'on arrive presque au temps du Asar. Et donc on va prier le Dhuhr. Et après avoir prié le Dhuhr, mais on ne fait pas la prière du Dhuhr sortir de son temps. Et après avoir prié le Dhuhr, on va prier donc ensuite Asar, lorsque Asar rentre dans son temps. Et donc on va faire retarder la prière du Dhuhr jusqu'à ce qu'il fasse plus frais. Parce que donc, comme vous savez, pour les frères qui sont déjà allés, je ne sais pas moi, en Tunisie dans le sud, ou alors en Algérie, en Arabie Saoudite, parfois, à certains moments de l'année, la chaleur, elle est très très très très forte. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, Donc, lorsque la chaleur augmente fortement, alors retardez la prière du Zohar jusqu'à ce qu'il fasse un peu plus frais. Car la forte chaleur vient du souffle de l'enfer. La forte chaleur vient du souffle de l'enfer. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الإبراد ويشترط له اشتداد الحر. Et donc on comprend de ce hadith qu'il est légiféré donc de retarder la prière du Zohar jusqu'à ce qu'il fasse plus frais. Mais ceci est conditionné, c'est une condition que la chaleur soit forte. C'est-à-dire que tu ne fais pas ça, on ne fait pas ça à n'importe quel moment de l'année, tu es là, ah, Zohar il est rentré, ah vas-y, on va faire l'Ibrad. Tranquille, comme on fait l'Ibrad comme ça, on n'a pas la pression, comme ça, si, etc., etc. Non. La base, c'est que la prière, elle se prie au début de son temps. Au début de son temps. Wa kadalika. Wa kadalika yustafadu minhu anna al-khushu'a fi s-salat min al-muhimmat. Et aussi, on comprend de ce hadith que le khushu', la quiétude, durant la prière, fait partie des sujets importants. Pourquoi ? Comment ça ? لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ نُصَلِّيَهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. Car la base dans la prière, c'est qu'on l'accomplisse en début de son temps. وَالشَّرْعُ رَخَّصَ لَنَا فِي الْإِبْرَادِ حَتَّى نُصَلِّيَ وَنَحْنُ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. Cependant, la législation, le législateur Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous a permis donc de retarder cette prière jusqu'à ce qu'il fasse plus frais pour qu'on soit concentré, compris, en toute quiétude, que tu ne sois pas là à te plaindre ou alors que tu ne sois pas là à prier et que tu aies du mal à supporter cette chaleur et donc tu ne vas pas réussir à te concentrer. Non, à ce moment-là, tu la retardes. Et c'est la même chose, rappelez-vous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « La salata ma'a hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'hu l'akhbathan » Il n'y a pas de prière lorsque le repas est prêt. Le prophète qui nous dit il n'y a pas de prière lorsque le repas est prêt et pas non plus lorsque la personne est dérangée par les deux orifices, c'est-à-dire la personne elle a envie d'uriner ou la personne elle a envie d'aller faire ses selles. À ce moment-là, la personne elle ne va pas prier, mais elle va d'abord faire ce qu'elle a à faire pour pouvoir être concentrée durant la prière. La même chose, le repas, il est présent. Tu vas d'abord manger et ensuite tu vas prier. Pourquoi ? Pour ne pas penser au repas, tu es là à penser au tagine pendant la salade. Tagine, oh, mashallah. Ou alors le tchep. Hein ? Et donc tu es là, tu penses au tchep pendant la salade, etc., etc. Ou allez, le colombo aussi, on fait rentrer le colombo dedans aussi. Pour les Antillais. Et donc, par rapport à ça, on comprend l'importance du khushu', de la quiétude durant la prière. وكذلك يستفاد من الحديث رحمة الله تعالى على عباده فإنه سبحانه جعل لنا هذه الأرض التي نعيش عليها مسهلة. On comprend dans ce hadith la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala envers nous. Car il a fait que cette terre sur laquelle nous vivons, la vie sur elle est facilitée. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il aurait pu faire que la forte chaleur ardente soit présente partout, tout le temps. Partout, tout le temps. Une forte chaleur ardente. Eh ben non. Allah nous a facilité, tabaraka wa ta'ala, فَهَذَا يَلْزَمُ مِنَّ الشُّكْرِ. Et donc cela implique qu'on le remercie, tabaraka wa ta'ala. Et pour finir, أَنَّ النَّاسِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرِّ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَذْكُرُوا النَّارِ. Les gens, lorsque la chaleur augmente, lorsqu'il y a une chaleur ardente, les gens, il est convenable qu'ils se rappellent du feu. Parce que le prophète, il nous dit, car la forte chaleur, la chaleur ardente, vient d'un souffle de l'enfer. Il est important qu'on se rappelle du feu. فَيَرْجِعُونَ إِلَى رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ. À ce moment, les gens, ils reviennent vers leur Seigneur et ils implorent son pardon, tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ishtakatin naru ila rabbiha fa'adina laha binafas fa'adina laha fi kulli amin binafasayn nafasin fi shita'i wa nafasin fi s-sayf fa huwa ashaddu ma tajiduna min al-harara Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que donc l'enfer c'est plein, le feu donc c'est plein auprès de son Seigneur. Alors il lui a autorisé deux souffles durant l'année. Un souffle durant l'hiver et un souffle durant l'été. Et c'est la plus forte chaleur que vous trouvez et aussi donc la plus forte fraîcheur ou alors le temps le plus froid que vous trouvez. Et donc ces deux instants sont des souffles qui nous viennent, donc des souffles de l'enfer. Voilà pourquoi à ces moments-là, nous devons nous rappeler de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Il fait très chaud, il fait très froid. Rappelle-toi du feu de l'enfer. Ce sont des signes de ton Seigneur pour que tu te rappelles, pour que tu craignes. Voilà qui nous met derrière Soul. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque la forte chaleur ardente, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Belenas yasubun endar. Les gens vont insulter le temps. أو يذهبون إلى الأماكن التي ينشر فيها المحرمات. Ou alors les gens ils vont aller donc dans ces lieux où il y a beaucoup d'interdictions qui sont propagées, comme les plages et tout, etc. La chaleur elle est montée. C'est le moment de craindre Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rappelle-toi ton Seigneur, le feu de l'enfer. Eh ben non, les gens ils pensent à la plage. Ils pensent à la plage, les fêtes, etc., etc. فَيَنْبَغِ لَنَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَنْ نَذْكُرَ رَبَّنَا. Et donc il convient aux musulmans que nous nous rappelions de notre Seigneur. Ce sont des signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour qu'on se rappelle de lui, on se rappelle de son châtiment, qu'on le craigne. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous place parmi ceux qui le craignent et qui lui obéissent. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.